D'abord, voici l'humeur si, de Guillermo. Oui, seigneur, voici. Bonjour les amis, ça va Lila. Bonjour les amis. Salut. Alors évidemment, période oblige, je présente tous mes vœux de bonheur à l'équipe. Et justement, en parlant d'hypocrisie, vous avez vu qu'au 1er janvier 2017, le paquet de cigarettes neutres a été généralisé. Ah, vous avez c'est vu magnifique. Ça paquet sur lequel, je le rappelle, les logos et couleurs des marques n'apparaissent plus. À la place, il y a juste une chouette photo des dents et des poumons de Serge Gainsbourg. Hein, période je vais et je viens entre les allées de ton hôpital. Alors, avec écrit « Fumer tue » ou « Fumer provoque le cancer » en suffisamment grand... Non, « Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10 », voilà, comme ça. Et en plus, Nagui a un paquet de clopes dans les mains. Absolument. Transmis, hein, celui de Daniel, oui, c'est ça, parce que moi, j'aime pas ça. En suffisamment grand, tout ça est écrit, en suffisamment grand pour que même les fumeurs presbytes puissent avoir aussi droit à leur cauchemar, ce qui est merci pour eux, c'est quand même plutôt cool. Alors j'espère que ce sera efficace. Comme le disait très justement mon pote Alexis Cabaret, le jour où sur les paquets il y aura écrit fumer en roue, là on verra s'il y a encore des volontaires. Elle est incroyable cette histoire de paquet neutre quand même. En soi, moi je m'en fous, moi je fume pas, mon père il m'a dégoûté à vie. Quand j'étais petit, il fumait un paquet par soir à 1,5 mètre de moi. Hein, c'est pas qu'il m'aimait pas en tant qu'enfant, je crois juste qu'il était cancéro-sceptique. Tabagisme passif, c'était comme le snowboard et les aubergines, c'était pas son truc quoi. C'est juste. Et je lui en veux pas, il a commencé la clope à l'époque où c'était encore conseillé par les gynécos quand tu voulais avoir une belle grossesse. Hein, c'était une autre génération. Si tu fumais pas tes 5 cigarettes par jour avant la puberté, t'étais considéré comme une lopette. Pas vrai, Maréchal? Affirmatif, on est bien d'accord. Du coup, j'ai jamais fumé, je pars du principe. Il est bien ce jeune. Je pars du principe que si je dois prendre une drogue qui me coûte cher, qui me détruit la santé et qui me donne une haleine de vieux divan, il faut au moins que ça me mette minable, quoi. Vraiment. Et je dis pas uniquement ça pour défendre l'alcool, même si je comprenais toujours mieux les poivreaux que les fumeurs, honnêtement. Et je dis pas ça uniquement pour défendre Daniel Morin, qui fait les deux. Qui, avec la détermination qu'on lui connaît, parvient à combiner merveilleusement les deux tards. Merci, bravo, Nicolas Van. Bravo, Daniel. Donc en soi, je m'en fous. Chacun sa vie, chacun ses vices. Ici, la question, c'est qu'avec le paquet neutre, l'État laisse dans le commerce un produit qui a été complètement vidé de tout aspect marketing pour ne laisser qu'un seul argument visible de vente. Ceci va te tuer. Mais c'est 6,50€ quand même. Allez, bonne agonie, quoi, vraiment. C'est vrai, il y a des guerres pour le pétrole qui sont moins cyniques. Je veux dire, il y a des compliments que j'ai fait à Nagui qui sont moins hypocrites. Je vois pas ce qu'on peut faire de pire après, à part floquer les t-shirts Nike avec les photos des gosses qui les ont cousus. Vraiment, et un bon vieux. J'espère que ce t-shirt vous plaira, signé Chang Li, 8 ans, quoi, je sais pas. Dans l'univers féerique du commerce, non. Ouais, c'est vrai, dans l'univers féerique du commerce, normalement, il y a un accord tacite. Producteur-consommateur. Toi, tu me montres pas la crasse que tu fais en coulisses, et moi, je fais semblant que j'étais pas au courant. Tout le monde y retrouve son compte. Tout le monde... Voilà, si j'achète une prune, j'ai pas envie qu'il y ait écrit dessus, ça va te donner la chiasse. Merci, je sais, quoi. Je sais. Et si tu dois me le dire, dis-moi aussi que la chair est juteuse, sinon retire ton machin du rayon. Même sur le Roundup de Monsanto, il y a des couleurs vives. On te vend encore un peu de rêve, ça reste humain, quoi. Mais là, non, avec les cigarettes, il n'y a plus aucun élément positif. On t'écrit juste fumez-tu, point barre. Alors, ne me le vends pas, quoi. Je sais pas, je veux dire, quand on s'est rendu compte que l'amiante, au mieux ça donnait la coupe de Pascal Obispo, au pire le Noël 2016 de George Michael, bah, on l'a retiré du commerce, quoi. On n'a pas fait des sacs d'amiante neutre avec écrit ça donne le cancer, sous-titré, mais parfois t'es bien obligé d'isoler ton faux plafond, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais non, moi je dis pas qu'il faut interdire le tabac, je dis juste que quitte à être cynique pour choper de la taxe, autant vendre toutes les drogues, alors, et je dis pas ça uniquement pour défendre Leïla, mais c'est vrai. Alors tu mets en commerce les autres drogues avec des avertissements, tu vois, ouais, genre chaque fois, faites attention, voilà, prendre de la cocaïne donne l'impression que tout ce que tu racontes est passionnant, ou sous MDMA faites quand même attention à pas coucher avec les membres de votre propre famille, enfin des trucs d'usage, quoi. Mais une fois encore, voilà, vous vous en foutez de ce que je raconte. Allez, bonne émission les amis. Merci, bravo, bravo, bravo, bravo. La bonne sur France.